ben, le premier cappuccino des vacances en Italie. On est à Ours et on va prendre le train. J'espère qu'il va bien. Ben, tu vois, tu fais un grand pas. Alors attends, il faut aller de quel côté? On va mon doudou? Il treno 90 velocità Francia Rossa, 93-11, treno Italia. Voilà, on est dehors. Il y a des bijoux. On peut faire un tour ou pas? On peut aller voir, on a chance. On est en vacances. Oh, il y a un livre en français. En français? Non, ça a l'air d'être... Non, c'est écrit en italien, Maggio. Ou Maggio à Georges Brassens. Attends, on va se pousser un peu. Oh, attention. Donc, t'as la cathédrale ici. Donc, t'as le portail ici. Après, ça monte là. T'as déjà une alcôve là avec un truc de pain. C'est le Christ et puis je ne sais pas qui est autour de lui. Là, ça monte un peu en pointe. Après, ça continue. Là, il y a toute une rangée de statues dans des alcôves. Là, il y a une rosace. Et ça monte jusque là. Et là, il y a encore une croix. Et donc, il y a une tour sur le côté, là, du même style. Il y a un passage entre la cathédrale et la tour. Et la tour, elle monte jusque là-haut. Entre les bâtiments, là, on voit le Duomo. Donc, ça, c'est ce qui est voûté, là. Et là, tu as ce qui est en haut. Et la boule... ronde, là, couleur or, avec la croix au-dessus. C'est vachement haut, quand même. C'est vachement haut. Et c'est super parce que c'est pas tout blanc. Tu vois, nous, nos trucs, c'est que d'une couleur. Oui. C'est sculpté, tout ça. Là, c'est sculpté. Et en plus, t'as de la couleur. T'as okay, un peu de vert, un peu de rose. Et du coup, ça, c'est gai, quoi. En plus, là, le soleil, il donne dessus. Donc, c'est magnifique. Et puis, le ciel est tout bleu derrière. Ça donne une perspective là. Parce que du coup, tu as cette tour là sur la droite et tu as la cathédrale qui continue. Et du coup, ça fait une drôle d'impression de voir la cathédrale qui continue à côté de la tour. Ça fait ça, tu vois, la largeur comme ça. Et donc, tu as des fenêtres. Et ça fait très moyenâgeux avec des trucs peints, la fleur de lys et tout ça, des clés, Libertas, un aigle. Voilà, puis tu as cette tour là au-dessus. Et là, tu as une grande statue ici, là, qui ressemble aussi aux statues grecques, là, avec la barbe et tout, là. C'est une fontaine, ça ? C'est une fontaine, ouais. Ça fait penser, en beaucoup moins grand, à la fontaine de Trévise. Je pense que ça se visite parce qu'il y a des gens dans les escaliers. C'est le musée du Palazzo Vecchio. Et là, sur la droite, t'as encore un truc comme une halle, mais tu sais, en dur, en pierre. Donc ça part, tu sais, comme dans les églises, là, avec des arcs. Ici, là, t'as des bas-reliefs, là, qui ressortent, là. C'est vachement... Moi, ce que je trouve, c'est vachement haut. On est très proche, mais... Et là, oui, on est proche, là. T'es vraiment au pied du truc. Et là, t'as différentes statues, là. À l'intérieur, ça a l'air d'être spécial. T'as des piliers très très travaillés, sculptés, tout ça. Encore la fameuse fleur de lys. Bonjour. T'as juste une petite table là sur la gauche. Oui, c'est un marché. Et des machins, quoi. Ils ont des 300. Des 300, mais ça va pas mal déjà. Tu veux quoi, un cappuccino? Oui. Thank you. Due cappuccini, sì, per favore. Un haut relief représentant la ville de Florence. Donc, où est-ce que ça va être? On fait le tour de la place, je pense. Attends, j'ai l'impression, il est là-bas, il y a tout un groupe autour. Alors, donc là, tu as un pont, alors ça, c'est le pont où il y a les commerces. Tu vois, tu sens, voilà, là, tu as le fleuve et là, tu as le pont. Ça, ça, c'est le fleuve. Ça, c'est le fleuve, ouais. Il y a le chemin. C'est oui. Voilà, et donc, alors là, tu as 1, 2, 3. Là, tu as que 5 ponts de représenter. C'est ce qu'on a compté, hein. 5, j'en ai compté 5. Là, la cathédrale est où? Alors la cathédrale, donc avec le dôme. Voilà, donc ça c'est le dôme. Et après, donc tu as la cathédrale, donc déjà en dessous du dôme. Et après, tu peux... Et c'est vachement imposant par rapport au dôme, c'est vachement imposant par rapport à la cathédrale. Oui, c'est très... Mais en fait, y a... Et là, ils n'ont pas représenté la tour qui est sur le côté. Là, ça fait quand même des réunions. Oui. Et donc ça, c'est rouge bordeaux, le dôme. Mais c'est coloré là aussi? Non. Non, non, là, c'est couleur éteint. Donc, il y a un autre truc comme ça, au début de la Via Giucianti, c'est à 600 mètres d'ici. Et voilà, ça représente un seul quartier. Italien ou anglais? Frances. En français, ce n'est pas bon. We have a group of pieces that is possible to visit. Mm-hmm. I can go to take the paper for you. Mm-hmm. And yes, you need to touch it with gloves, mm-hmm, and change it when you move from a bronze to a marble. Okay. No problem. So if you wait here, I'm going to take. Okay. Thank you. Oh, ils sont pas chiants ces deux-là. Prendre en photo chacun. Yo, donc là. Je sais que t'enregistres, c'est pour ça que je l'ai dit. J'ai pas dit de merde. T'es pas raciste, ton pouce. Pas du tout. Bon, je dis ça, mais je suis pas, en fait, c'est juste pour rigoler. Regarde l'autre avec son sac à main. Bon, bah, de toute façon, je ne suis jamais dans le bon sens. Un buste normal avec des bras croisés dans le dos et une tête de poisson qui rejette de l'eau. Un grand jet. Marrant. Et il y a des quelques... Ah, il y a plein de poissons. Donc, il y a plein de plantes d'exposées. Là, il y a des bégonias, saxifrages. Hello. On nous a pris pour des Espagnols. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur les... Apérol plus bruschetta, 7 euros. Mais c'est pour une personne, ça, peut-être. Ben oui, mais... Ouais. Oui, mais quand même. C'est notre premier spritz, alors, quand même. Mm. On était raisonnables. Uno Apérol et uno Campari. Pourquoi, c'est à quoi, là? Ça va être compliqué. Pour aller où? Pour la suite. Parce que quoi? Parce que t'as pris un spritz? Ouais. Tu sais, quand t'es fatigué, machin. Mais t'es fatigué. Je bois plus beaucoup. Hein. Parce que avant, tu buvais. J'ai plus l'habitude. T'as l'habitude de quoi? De quoi? Pourquoi t'avais l'habitude avant? Bah, avec toi, oui, comme ça. On buvait tous les jours. Non, elle est bien vernie. Mais elle s'étale. En fait, sur la droite, l'eau elle coule pas. Ça s'étale jusqu'à une esplanade face à nous. Alors, les visiteurs qui montent au campagne, ils doivent déposer leurs valises, sac à dos, colonnes et autres objets dans la consigne à bagages, Piazza Duomo 38. T'as déclenché ton truc à enregistrer? Oui. Tu veux dire du mal des gens? Ah non, jamais. Ouais. Pas comme toi. Tu veux pas dire du mal des gens? Voilà. Non, mais... Il n'y a pas des Asiatiques, il y a quoi? Tout à l'heure, il y en avait tout un troupeau, mais là, ça va. Tu les vois sur le dôme, les gens qui marchent? Non. Ça doit être à l'intérieur, je pense. Ouais. Alors après, il y a un truc. On voit, avec des cordes, des fois, ils doivent permettre de faire le tour parce qu'il y a un chemin qui contourne. Elle a déclenché le secours, madame, on veut l'emporter. C'est ça, c'est pour toi, là. Là, ils se prennent en photo sous toutes les coutures. Et du coup, tu as des marches là. Donc, on est tout en haut, donc c'est le haut de la tour. De la tour, quand on est face à l'entrée, la tour droite. Mmh. Ouais, donc, redescend parce qu'il y a des gens qui arrivent. Je sais pas si... Attention, deux personnes. Thank you. Attention, hein, Michel, il y a deux personnes sur la gauche. Voilà. Faut pas nous écraser. C'est ça. Plusieurs panneaux. Ah, et là, on voit le Douro. Et les gens sont bien tout en haut. Mais dehors tout ou dedans en, dehors. Oh, ça doit être impressionnant là-bas. S'il faut le monter. Oula. Ça va tomber. Bah oui, parce qu'il y a des trucs qui. Tu vois, lui, il y voit et il ne s'est pas méfié. Oh, un asiatique. J'ai fait ça. On t'aurait mieux que ce soit un escape, quoi. Vue panoramique. Si vous n'êtes pas déjà au sommet d'un autre monument, vous pouvez monter ces 418 marches pour profiter d'une vue imprenable sur Florence, le dôme de Brunelleschi et les toits de tuiles rouges typiques que l'on voit sur votre photo. Non, mais des dômes, il y en a partout, en fait. Il y en a encore un là sur la droite. Tu veux manger aussi avant d'aller au musée ou qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas quel. Il est 13h11. Après le musée, je sais pas. On peut trouver des petits sandwichs, je sais pas quand. Après si on mange trop tard, c'est galère pour ouais, le faire. Donc on mange des petits sandwichs. Ouais. Bon alors, mais une place. T'as gélataria là? Ce que je regarde dans la liste? Non mais t'as mis dans miam miam là. Alors. Gélataria de Santa Maria Novella. En fait, toute la journée, on entend bip, bip, bip, on sait. Ouais, c'est non, usant. Je pense que c'est les taxis, hein, il y avait un taxi devant le scooter. Le taxi qui fait ça. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est bon, casse-bonbon, quoi. Ouais, écoutez, écoutez. C'est un taxi, là. Il est en short et en t-shirt. Attends, il y a des grands là. Il est au sommet de sa forme là. Allez, on se tire. Ça tu veux encore écouter un peu? Non. T'as enregistré? En revanche, la météo demain soir à 18h, c'est marqué grand soleil. Ah ouais? Donc ça serait pas mal pour demain soir. Donc on a dit qu'on se cassait où? Eh bien, sur la campagne. Deuxième étage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que ça va être les cloches qui vont sonner? Je sais pas. Écoute ce qu'il y a aujourd'hui. Non, comment ça s'appelle là? C'est italien. Non, non, non. Volare. Ah. Alors lui, il a une contrebasse. Tu veux changer des cloches? Ouais. Tu veux qu'on enregistre? On met sur. Pour ceux qui ont envie. Buongiorno, my friend is blind. Yeah. Are you too? We are. I'm not blind. Possible. But well, yes, we need two tickets. Et là, on est en train de faire des sandwichs florentins. C'est comment ils s'appellent ces sandwichs? Ah, c'était. Ah non, là, j'ai marqué le dessert, fontuccini amaretto. Et j'ai pas noté alors le sandwich. Il y a trois mecs qui ont préparé les sandwichs. Il y en a un, enfin, il y en a deux qui préparent les sandwichs. Il y en a un qui coupe le jambon. Et ils ont tous des grands bacs devant dans lesquels ils piochent leurs ingrédients. Oh, ça fait du bien. Magnifique. Magnifique, perfecto. Bonne journée. Grazie, merci, à vous aussi. Buona giornata. Ah non, il y a du monde. Palestina libera! Impressionnant! Palestina libera! Thank you. peut-être t'as fait un écoute parce que l'autre on était 12-13. On était dos à là, c'est 14-15. Bon, du coup, là on est embêté parce qu'il y a des grèves de train en Italie et notre train est annulé. Bonjour, do you speak English? It's cancelled this one. Si. So we would like to take this one to go to Bologna. Is it possible? You have to change your ticket. Ah, ben là, maintenant. Bon, du coup, on a eu de la chance. Hein. Souscrive dando un ultimatum. On est là, je sais. Oui. Pardon ? BG, ajoutez-vous. Aidez ? BG, ajoutez-vous. Ajoutez. Non, c'est bon, ça va aller.